voilà, je vais demander donc à Efang Oué, banquier de la concubine, et Nikolaï Trochinski pour Astigmatismo de venir nous rejoindre. Faut vous lever, faut venir maintenant, il faut venir, merci beaucoup. On va vous applaudir pour vous faire venir. Donc deux films en compétition. Deux films en compétition, on va réfléchir à ça et on va réfléchir aussi, même si le directeur pédagogique est dans la salle, de l'après poudrière. Qu'est-ce qu'on peut faire à la poudrière, qu'est-ce qu'on fait après la poudrière. Donc j'espère que vous parlerez quand même sans contrainte. Voilà. juste avant, je vais demander à. Tant que vous asseyez, prenez place, je vais vous parler d'un livre et je vais surtout vous demander à Nicolas Ligori qui a participé, qui a fait éditer ce livre, de venir nous en parler, qui est un livre sur Anne-Laure Totaro. Trop rapidement et Nicolas on a profité pour enfin on a sorti un livre donc je vais lui demander de l'envoyer mieux que moi. Merci Alexis. Donc alors ce livre c'est un livre qu'on a créé une association avec certains anciens de la poudrière. Enfin, moi-même je suis pas de la poudrière mais on était en contact puisque je travaillais au studio Folimage juste à côté. Donc avec Sophie Rose, Rémi Chaillet, Camille Listeri, enfin voilà, on est 5-6 personnes, Marco Marchetti, à avoir voulu rendre hommage en fait à Anne-Laure Totaro, qui était une amie, qui est disparue en octobre 2011. Et en fait, au-delà de l'hommage, il y avait aussi on voulait absolument continuer à partager son travail artistique, qu'il soit le plus visible possible, même après sa disparition. Donc on a édité ce bouquin qui est constitué en fait d'images d'avant les films. Ce sont des illustrations principalement, des poèmes. Tout un tas d'images qui sont des illustrations vraiment très intéressantes, je trouve, sur le papier à être vues. Et puis à la fin du bouquin, on a pu joindre également les films qu'elle a réalisés. Donc elle a réalisé 3 films dans le cadre de ses études à la poudrière. Donc il y a Le Bouillon, Noé et Les Limites. Et la technique en fait qu'elle privilégiait à ce moment-là, c'était déjà le fusain animé, directement sous caméra. Et on a pu faire ensuite 2 films ensemble. Donc il y avait mon film d'abord, et puis ensuite le sien, Mémoire fossile, et toujours en fusain direct sous caméra. Et donc voilà, un travail vraiment intéressant, avec une véritable identité graphique forte. Donc voilà, si ça vous intéresse, je suis venu pendant le festival avec un carton de bouquin, on le vend à 20 € pour l'association. Et en fait, cet argent va nous servir à continuer à faire vivre son travail. Donc par le biais d'exposition cette fois, puisque étant donné que les livres sont édités maintenant, on va essayer de prolonger ce travail-là par les expos. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Nicolas, et puis ben, après, oui, merci beaucoup d'avoir fait ça en tout cas. Voilà, donc on continue donc. Au départ, je voulais montrer ça. J'espère que c'était pas prévu, mais j'espère que ça. Laurent ne voudra pas de montrer juste ça rapidement. Retour en arrière. Thank you. Alors, je vous fais remonter loin en arrière, enfin, pas si loin que ça non plus. C'est vos deux films, donc de première année d'une minute. Chacun, vous avez normalement... Oh, si je prends deux micros, vous en avez un normalement chacun. Juste par curiosité déjà, pourquoi avoir choisi La Poudrière, de venir en France, de venir à La Poudrière, de venir travailler à La Poudrière? Vous connaissiez la réputation de l'école avant? Vous aviez vu les films avant? Ou comment ça s'est passé? Et Fang? Allez, vas-y. C'était en 2007, j'ai envoyé mon dossier pour mon candidature à La Poudrière, je l'ai refusé. Laurent, je ne savais pas. Je dis à personne. Et Laurent m'avait proposé de pourquoi pas refaire la demande en 2008. Donc, il m'avait montré un peu le dossier, comment préparer un dossier. J'ai jamais vraiment postulé pour une école en France. Du coup, 2008, j'ai redemandé et puis voilà. Et donc, ça, en fait, j'ai travaillé dans une usine de pêche à côté de Valence. Bon, c'était à partir de là que j'ai... Et c'est comme ça que tu as connu l'enfant. Oui. D'accord. Intéressant comme parcours. Laurent, juste quand. Il n'y a pas de micro, mais quand on reçoit un dossier comme ça, c'est parce que tu dis représentez-le, parce que tu sens qu'il y a quelque chose de vraiment fort dans le dossier, que ça te. Tu trouves ça dommage de laisser partir. Il y a des choses, il y avait vraiment un travail graphique intéressant au niveau de l'illustration, au niveau de plein de choses, mais qu'effectivement la dimension cinématographique n'était pas encore très bien posée au moment, là, sur le premier. Je me rappelle du premier dossier, c'était quand même 4 feuilles volantes. avec à peine motivé. Donc voilà. Donc effectivement, Efang travaillait pas dans une usine de ramassage de pêche. Okay. Et elle était venue en demandant pourquoi. J'ai montré un petit peu un dossier, comment on peut le constituer pour montrer un peu une démarche qui nous intéresse dans l'école, de voir comment quelqu'un progresse, est environné de choses aussi bien de l'écriture que du dessin que de la photo, ce genre de choses qui nous intéressent. Et Nicolas, et toi, pourquoi La Poudrière? Bon, j'étais toujours intéressé par l'animation, mais je n'avais pas envie de faire une école technique, parce que j'avais déjà fait une école technique d'illustration, et disons que ce n'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'ai jamais eu l'intention de travailler professionnellement dans l'animation, disons dans un studio comme animateur, tout ça. Donc j'avais vu des films dans une séance au Festival d'animation à Madrid. Bon, il y avait une séance spéciale Poudrière, ils ont passé plein de films d'études, ça m'avait assez impressionné à l'époque et j'étais assez intrigué. Donc j'ai cherché des infos, à l'époque il y avait très peu d'infos à propos de l'école, c'était très intriguant. Et donc je pense que ça marchait bien pour moi parce que ça m'a donné beaucoup de curiosité. Et donc du coup, après un peu de recherche, j'ai vu, voilà, c'est une école de réalisation et ça m'a plu beaucoup parce que moi ce que j'avais envie c'est de faire des films, pas vraiment de développer la technique en elle-même. Et puis j'avais envie je sortais de l'illustration, j'ai travaillé un peu en illustration et à bout de moment j'avais envie d'étudier quelque chose d'autre. Et ça me semblait intéressant, mais j'avais pas vraiment d'intention après, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec, c'est juste plus des. Mais donner une autre expérience et dans un autre domaine que je ne connaissais pas, rencontrer des gens dans un autre domaine que je ne connaissais pas. Et puis, je n'avais pas un but de qu'est-ce que je vais faire avec. Ce n'était pas forcément pour travailler dans l'animation, ou c'était plus pour apprendre et puis appliquer à quoi que ce soit que je fasse. Ouais. Donc, on comprend la tactique qui marche, hein, de La Poudrière, de montrer très peu d'images, surtout qu'on parle très peu d'eux, comme ça, voilà. les gens sont attirés d'un seul coup. Donc, maintenant, vous avez non seulement Laurent, mais Annick Delinge aussi, directrice de Poudrière. Donc là, on va parler rapidement de La Poudrière. Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, dans tout ce qu'on vous propose à La Poudrière? Parce que moi, ce qui m'épate en regardant les 1 minute, c'est que, par exemple, toi, Nicolas, il y en a déjà l'univers qu'on va avoir aussi d'enjeux pluriels, c'est-à-dire quelque chose de très ludique, et même qu'on va avoir à un autre degré, mais dans l'astigmatismo, qui est déjà présent, déjà dans le film d'1 minute. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, dans l'enrichissement, ce que tu disais, de ton univers? Eh bien... Ça m'a apporté, disons, beaucoup réfléchir sur la cohérence générale d'un film et sur mais mettre en question beaucoup plus. Et du coup, il y a des bonnes choses, il y a de mauvaises choses, je trouve. Il y a une chose que je regrette un peu, c'est j'ai perdu l'innocence. C'est vrai que j'étais vachement plus innocent quand j'ai fait les petits films que j'avais fait chez moi pour me présenter à l'école. Et même, oui, sa mère qui assez. Aussi, j'étais dans un esprit beaucoup plus libre parce que je ne savais pas encore. Et donc, c'est bien parce que ça donne plein d'outils. En fait, moi, je me sens vachement équipé, disons, en comment me défendre, comment. Disons, je sais pourquoi il y a toutes les choses qu'il y a dans les films, je sais qu'ils proposent, et j'ai des bonnes raisons pour faire ce que j'ai fait, donc ça c'est bien. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de me poser toutes ces questions, et du coup, je trouve que j'ai perdu un peu d'esprit libre. Donc je le vois comme un échange. On perd quelque chose, on gagne une autre. Du coup, je trouve ça aussi un peu dommage. J'ai perdu la capacité de faire un film sans réfléchir trop, un peu naïvement. Je suis plus capable de faire un film dans un week-end sans me remettre en question plus légèrement. Ouais, c'est bien, c'est pas bien. Ça dépend de ce qu'on veut. Après ça, je me suis rendu compte que je ne vais plus faire des études de quoi que ce soit. Parce que. Si je pars dans le domaine, je rentre un peu dans le domaine des jeux vidéo en ce moment, et consciemment, je vais rester un étranger, un autodidacte pour garder un peu l'innocence, parce que je trouve c'est bien aussi. Et Fang, toi, est-ce que tu as perdu aussi cette innocence par rapport au matériau cinéma d'animation en étant la poudrière? Je suis peut-être complètement à l'inverse. Moi, en faisant quelque chose, il me faut une raison et une façon d'organiser, sinon je ne sais pas pourquoi je le fais et puis ça me perturbe si je n'ai pas une raison qui tient. Bon, d'abord, merci pour montrer ce petit film d'une minute, de le partager avec les gens. Je ne sais pas si on avait l'occasion. En fait, je suis toujours un peu perdue, oui. En fait, arrivée en France fin 2005, en fait, avant d'arriver en France, j'ai fait 4 ans d'études en Chine en film d'animation. Et j'ai travaillé environ 6 mois, 8 mois à Pékin avant de venir en France. C'est des travaux de commande. Je faisais storyboard, mais je dois faire des illustres, ce qu'on avait déjà écrit en chinois. Donc, ce n'était pas très intéressant. Donc, en fait, je voulais travailler en France. Donc, en fait, c'était pas du tout comme ce que j'ai souhaité. Déjà, je ne parle pas bien français. En plus, je me suis rendu compte que le monde animation, il est un autre niveau. En tout cas, c'est loin d'être ce que je pourrais être. Du coup, j'ai commencé à chercher une école, mais je sais, en fait, j'ai pas de notion de technique ou le sens cinématographique. C'est juste, je sais pas du tout quelle école. Enfin, du coup, c'est un peu hasard, mais j'ai la chance que c'est bien tombé avec mon caractère et ce que j'ai envie de faire, de raconter des histoires. Et c'est là que j'ai trouvé la poudrière. Et j'essaie de toujours trouver un sens pourquoi j'ai fait un film d'animation. Là, je pense que c'est à la poudrière, vraiment, c'est mon virage. Vraiment, enfin, honnêtement, on a eu plein de cours que j'ai jamais eu d'idée qu'est-ce que c'est pendant mes 4 ans d'études en Chine. Donc le fait d'aborder aussi des choses un peu plus théoriques, comme on disait en première partie, nous ici, en tout cas plus de réfléchir, comme tu disais, sur le cinéma, sur pourquoi faire un plan ou ce genre de choses, Oui, c'est c'est ça? un guide. Et aussi se libérer, enfin se libérer, j'ai toujours une tension, je ne sais pas si c'est la culture ou c'est personnel. ou éducation familiale, mais qui fait que je suis toujours stressée, envie d'organiser les choses. Mais de moi-même, de oublier, ou de me rendre pas compte qu'est-ce que... Enfin, j'ai beaucoup de ressentiments, mais je ne sais pas comment exprimer. Moi, vraiment, ce petit film, c'est un premier film que je suis quitté par des intervenants, soit scénaristes ou un parrain. Enfin, on n'avait pas de parrain, mais des gens plus vraiment professionnels pour moi de faire un film complet. Et d'ailleurs, il y a Nicolas qui m'avait dit une phrase. Enfin, c'est pas parce que tu es là que j'ai dit ça, c'est... Je suis perdue pendant le film parce que tu te souviens, mon animatique, ça ressemble à rien. C'est des cases différentes. Puis j'ai montré à quelques personnes, personne n'a rien compris. Je ne sais pas comment, par où je commence. Et c'est Nicolas qui m'avait dit, quand on a perdu, en fait, pendant la fabrication du film, il y a des nouvelles idées qui sortent et en fait, on peut se perdre. Donc il faut toujours... revient au départ, il faut trouver un mot ou une phrase, qu'est-ce qu'on voulait au départ, et puis on recommence à zéro. C'est vraiment grâce à ça que j'ai... Enfin, même aujourd'hui... Merci. C'est drôle, parce que c'est quelque chose que je dis aux élèves, et c'est un mot en fait, que dit aussi Francis Ford Coppola. Il dit à chaque fois qu'il commence un film, il a une phrase dans la tête, et en effet, comme sur un tournage, il est obligé de... Il racontait, il disait des fois, quand je fais un film, on me dit, mais il doit être comment le chapeau, il doit être comment l'impair. Et il se dit, bon, c'est comment un impair si je fais un film romantique ou un chapeau d'un film romantique ou d'un polar. Et ça lui permet, en effet, de pouvoir prendre des décisions plus facilement. Donc, comme quoi, les guides, ça sert, on va repartir de liberté. C'était une promotion, oui. Après, mais c'est important. Alors, après, il y a un film, on ne va pas le voir en entier, mais on va juste regarder juste un tout petit bout. Chacun d'entre vous faites le film de fin d'études à la Poudrière. On va laisser les lumières allumées, hein, c'est juste pour avoir un tout petit bout. Donc, Chronique d'un pont, pour toi et Fang. Donc, on regarde juste un tout petit bout. Je m'appelle Tiao, 47 ans. Je suis gardien de ce pont où ont lieu de nombreux suicides. Je suis là pour empêcher les gens de sauter. C'est toujours frustrant de regarder qu'un extrait. Désolé. Hop, pardon. Oui, je sais, c'est frustrant. Mais sinon, on n'a pas le temps de parler. Si jamais Laurent et Annick veulent bien, peut-être qu'on les regardera après. En plus, je n'ai pas le droit de les montrer normalement. Donc... voilà, j'essaie de faire attention. Mais c'est un extrait, donc c'est juste pour le dans le cadre de la conférence. On peut le faire, c'est différent. Donc, on voit, alors, on n'a pas vu, mais même par rapport au banquet de la concubine, il y a déjà un peu un graphisme. Qu'on a tendance, qu'on retrouve un petit peu, je trouve, dans le personnage, on a quelque chose. Par contre, on a une mise en scène qui est complètement différente. Comment ça s'est passé, Chronique d'un pont? Là, tu avais un storyboard plus précis. Comment tu as travaillé ce film-là? Classique. J'ai un peu peur de perdre le contrôle. Comme toujours, hein, je fais tout ce qu'on m'avait dit de faire. C'était quoi la question? C'était très storyboardé. Comment est-ce que, voilà, est-ce que tu as vraiment travaillé? Ah oui, donc en fait, l'école dure 9 mois, c'est ça? C'est 3 trimestres par 3 mois, je pense. Et du coup, je pense que chaque trimestre, qu'on a des dates limites pour faire un scénario. Puis ce sera un peu, est-ce qu'on peut dire validé par l'école? Oui. Oui. Puis après, on passe à l'étape suivante pour storyboarder et puis animation et colorisation. Un peu. Mais ça, c'est ce qu'on... Enfin, je pense que pas tout le monde fait dans cet ordre-là. Enfin, dans ordre-là. Ce... Mais moi, j'étais sage, donc je fais... C'était qui était tes parrains? T'avais... J'en avais deux. J'avais Jérémy Clapin comme parrain du réalisation et Claire Bolti qui est le parrain de scénario. Mais dans ce film, j'avais un souci, c'est que le film Fin d'études, La Poudrière, s'est limité à 3 minutes avec 10% de marge. De marge. Et en fait, je pense que j'ai choisi un sujet qui demande plus de temps à s'exprimer. Du coup, j'ai eu vraiment du mal à réécrire mon scénario, c'est-à-dire ce que je fais avec le storyboard, tout ça, ça fait beaucoup plus que 3 minutes. Donc le fait de raccourci, ça l'enlève ce côté... Ça l'enlève la vie du film. Du coup, enfin, à la fin, je suis un peu déçue que ça reste un peu le structure, mais j'aurais vraiment préféré de rallonger le film. En fait, on va en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu le film Fin d'études. On va parler bien sûr du Banquet de la Concubine, oui. Et maintenant il y a quasiment un long métrage en préparation. Donc en fait, très rapidement, tu t'es senti à les trois films pour raconter des histoires dans une petite durée comme ça. Ça a été vraiment dur pour toi de rentrer dans cette durée. C'est juste un choix, je pense que je me suis pas méfiée. Je suis intriguée par cette histoire de gardien du bon et j'ai envie de faire une histoire avec. Et du coup, je suis pas fait attention que peut-être une histoire. Enfin, je pense que ça demande certains de temps. Celle-là, je pense que c'était un peu juste. Bon, et puis il y en a qui trichent, qui font plus. Oui, et Nicolai, par j'étais exemple. J'étais encore au sage. Toi, tu as été sérieuse quand même un petit peu. Et Nicolai, lui, il a fait. Moi, j'ai triché, ouais. Ouais. mais j'avais une bonne excuse. Parce que je faisais la prise de vue réelle. D'accord, donc ça l'aura. La prise de vue réelle, donc ça prend pas beaucoup de temps à fabriquer. Donc, normalement, en fait, l'histoire, c'est que moi, j'aime beaucoup les films très courts. Donc, moi, c'est la contrainte de l'école. Elle me plaît, en fait. J'ai pas de problème à rentrer dans 3 minutes, 1 minute, ça m'a plu au départ. Après, concrètement pour mon film de fin d'études, ce qui se passait, c'est que finalement, ce qui était plus intéressant que ça, c'était... Moi, je me suis dit que j'allais passer une année à fabriquer un film, donc j'ai choisi de faire un film qui soit intéressant à fabriquer. Je n'ai pas réfléchi tellement à est-ce qu'il est faisable dans la durée. Donc après, en animation, on peut être plus strict sur le plan, sur la durée qu'il prend et comment le faire plus efficace en moins de temps. Alors, sur prise de vue réelle, on tourne et le comédien fait des choses. Et on n'a pas cette liberté parce qu'on ne sait pas combien ça va durer. Donc, après, au montage, je me retrouvais, c'était impossible de faire moi. Mais voilà, disons que. Aussi la contrainte de l'école elle a du sens parce que l'animation prend très longtemps à fabriquer, donc si on dépasse beaucoup plus de 3 minutes, la qualité commence à tomber. Alors pour moi c'était pas vraiment un problème parce que dépasser les 3 minutes c'était pas une question de que je vais passer énormément de temps à fabriquer les plans ou etc, sinon c'est juste j'ai enregistré des choses en prise de vue réelle et ils ont besoin du temps parce que le comédien il a fait certaines choses de certaines façons et voilà, donc je me suis un peu dans ce sens-là. Ouais. Ça a été accepté très facilement, l'idée de prise de vue réelle à l'école, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Oui, je pense à l'école, c'est une des choses qui est bien à la Poudrière, c'est qu'ils sont assez ouverts, en général, pour proposer des choses un peu fous, et des mélanges, des choses comme ça. Donc oui, ça a été assez accepté très facilement, en fait. Et il y avait des cours, on t'a aidé par rapport au tournage prise de vue réelle, où tu l'as fait... un peu à l'aveuglette comme ça Un peu à l'aveuglette, bah, disons que bon, on apprend la réalisation, c'est applicable à tout, c'est applicable à la prise de vue réelle. C'est vrai qu'on a fait un petit atelier de direction d'acteurs, donc ça a aidé beaucoup, ça tombait bien qu'on a fait ça aussi. Mais après aussi, je jouais avec l'avantage que puisqu'il y a ce côté documentaire, ça ne devait pas forcément être cinématographiquement très complexe. Donc disons que si c'était un peu amateur, ça allait aussi parce que c'était cette partie de l'esprit du projet. Donc d'ailleurs, je voulais pas faire un gros tournage, c'était tout petit, c'était une caméra à la main. Donc on n'avait pas moyen d'avoir une caméra vidéo de qualité parce qu'il n'y avait pas le budget pour ça. Donc on a tourné avec une caméra mini DV qui est une qualité assez mauvaise. Mais bon, heureusement, voilà, on fait un sujet un peu reportage et ça passe. Alors on va regarder un tout petit bout, deuxième moment de frustration pour vous si vous n'avez pas vu. Juste un tout petit bout de Jeu pluriel, donc le film de fin d'études de Nicolai. Hop, le son c'est mieux, pardon. Luigi Finisterra, depuis presque 25 ans, fabrique dans la discrétion de son appartement des jeux de société inventés par lui-même. Ces jeux sont uniques au monde et se caractérisent par leurs règles très singulières. Quand j'étais éphémère, ma compagne aperçut que les gens ne me comprenaient pas. Alors j'ai inventé des patois aussi long. Un parler rare qui combinait des clins d'œil assurés et des trajets des oreilles. Précepte d'écriture à contre-pied. Et alors, j'ai inventé des jeux avérés. Voilà mon liminaire plaisir. Un jeu de Bristol. Et on devait jouer seulement avec un planisphère dans la malhabile, là, et un autre dans la luette. Et Ego l'a fait il y a 25 renouveaux. Jamais je ne l'ai hasardé, comme tous mes autres délassements d'ailleurs. Il surnage, accablant peut-être, je ne sais pas. Dans le jeu La Table de Weissmann, chaque joueur dans son tiroir a 4 balles destinées à arriver au tiroir contraire. Les dés indiqueront le mouvement des balles à chaque tour. Le joueur doit ouvrir le tiroir de son choix afin de faciliter le jeu de son compagnon, sachant que ce choix est incontestable. Il est interdit que 2 balles se rencontrent. La faute oblige à ouvrir tous les tiroirs et à jouer avec un œil fermé. Ah, je coupe. Bravo, ça. C'est, j'aime pas ce. On dit tout à l'heure, juste avant, on disait le fameux petit bijou, le petit film. Il y a un autre mot que je déteste qui est l'idée de dire. Il y a l'idée d'ovni, enfin l'idée de film qui est un petit peu surprenant, qu'on n'attend pas de voir. Et Jeu pluriel, je pense, correspond bien à ça. Comment c'est venu l'idée de. Du personnage, ce personnage dont on parlera même un petit peu après, avec Annick. Ouais, donc ça a commencé par Peter Greenaway. Je suis très très fan, grande influence de son cinéma. Et en fait, j'ai connu, vu. Pardon, pour Meurtre dans un jardin anglais. C'est Peter Greenaway pour que les gens qui connaissent pas. Ah oui. C'est Meurtre dans un jardin anglais. C'est un oui. Restaurant anglais qui est peintre à la base aussi. Oui, il est peintre à la base, mais. Et donc, j'avais vu sur un livre à lui, c'était 100 objets pour représenter les mondes, il y avait un objet qui était un jeu injouable. Et donc, j'ai trouvé ça très joli, un jeu injouable. Et puis, en parallèle avec ça, et grâce à l'école, en fait, on a eu une petite conférence de Laurent Danchat à propos de l'art brut. Et donc, il nous a découvert, et il m'a découvert les mondes de l'art brut. Et j'étais très, très touché par ça. Et j'ai continué à lire à propos, à chercher des artistes d'art brut et apprendre sur ça. Donc, en fait, c'était un peu un mélange de ces deux choses. J'avais envie de faire un film sur la notion de l'art brut, sur la création un peu... primaire, non, de pourquoi on est créateur, pourquoi on a besoin de s'exprimer à travers l'art. Et puis les jeux injouables, c'était une métaphore qui était jolie. Et disons qu'en faisant les films, j'ai appris que la notion de jeu, la notion de faire des choses ludiques, c'était important pour moi, c'était important pour moi pour un bon moment, mais je n'étais pas conscient. J'ai devenu conscient en faisant un jeu plus réel. En fait, à quel niveau le jeu, la notion de jeu était très importante pour moi, aussi bien dans la fabrication d'un film comme dans les résultats, que le film soit ludique. Donc ouais, c'est venu de là. Et ensuite, parce que tu es presque pas en avance, mais en tout cas, il y a un renouveau aujourd'hui de ce qu'on appelle le documentaire animé, où là, d'un seul coup, on a complètement ça, on est complètement dans cette idée-là. Il y a même une histoire que racontait Annick, elle peut peut-être dire qu'un jour, on l'avait appelé pour, enfin, même plusieurs fois, on l'a appelé pour en fait inviter ce monsieur, alors que c'est un faux, évidemment, documentaire animé, c'est pas vraiment une personne qui existe, et en fait, il y a se dire, bah, on veut absolument en savoir plus sur lui. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de monde qui m'a demandé c'est qui, où j'ai rencontré, je trouve ça génial, parce que je pensais pas que les gens allaient croire à ce point-là. C'était aussi ça, c'est vrai, c'est la troisième chose, j'étais aussi fasciné par ces gens, les faux documentaires. C'est un genre cinématographique, c'est très particulier, ça m'intrigue beaucoup, et il y en a très peu en fait de faux documentaires parce que c'est très difficile à faire. Du coup, j'avais remarqué que j'avais jamais vu un faux documentaire en animation. Et donc je me suis posé la question, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a du sens? Et surtout l'idée de, bon, c'est ce que si c'est animé, dès qu'il y a l'animation, on va arrêter de croire. Parce que l'animation, c'est pas vrai. Et du coup, je montre le jeu, je fais exprès, je montre le jeu de Luigi. Ils font des choses qui sont physiquement pas possibles. Et donc, je pensais, je voulais explorer ces limites. Où est la limite? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les gens y croient encore. Donc, j'étais surpris de voir qu'on peut aller assez loin. Et on y croit encore. La crédulité ou l'envie en tout cas de oui, on a envie de croire parce que c'est beau. Non, je pense que c'est ça. Ouais. C'est joli, on a envie de croire que c'est vrai. On serait déçu si on découvre que c'est pas vrai. Est-ce que dans l'idée, pour les gens qui connaissent pas, on a une idée donc de la poudrière qui est plutôt dans créer des auteurs. Et est-ce qu'il y a une inquiétude quand on sort de la poudrière pour trouver du travail ou alors pas du tout? Ça tombe assez facilement pour vous deux. Hein, je parle pas en général, mais est-ce qu'en sortant de la poudrière, vous saviez ce que vous vouliez faire en fait, donc plutôt court métrage, plutôt série, comment ça s'est passé pour vous? Je sais pas, Efang. Il sort plus tôt, Nicolas. Non, comment Efang s'en sort? Je non, parlais non, pas mal. Il vient de parler, allez. Ouais, c'est ça. j'ai toujours chanceux, donc j'avais un autre projet pendant la poudrière, donc le projet de le banquet de la concubine. Donc en fait, l'école nous demandait pendant des vacances de proposer plusieurs l'idée qui pourrait être le final projet film fin d'études. Donc le banquet, c'était un de tes idées que j'ai eues. Donc c'est complètement trop compliqué pour 3 minutes, donc je l'ai gardé pour moi. Du coup, oui, en parallèle de l'école, j'ai monté mon dossier, j'ai envoyé à Annecy en 2010 pour l'appel projet. J'ai pas envoyé à Folle Image directement, mais finalement on a fait un détour et on se trouvait Folle Image, Sainte Image à l'époque, qui s'appelle maintenant c'est Cyclic, puis l'ONF, Office National Film Board Canada, qui intéressait le projet banquet, donc il décidait de produire un film. Juste quand tu dis de la chance, à mon avis, il y a quand même un peu plus, parce que pour avoir Folle Image, déjà, et l'ONF, ce qui sont quand même deux structures plutôt très, très importantes dans le monde de l'animation, il y a un peu plus que de la chance, là. Il y avait déjà quelque chose qu'ils avaient repéré dans le scénario. Il y avait des éléments graphiques, tu avais envoyé des éléments graphiques du film. Comment ça s'est passé, la présentation du dossier? Oui, là, j'ai bien soigné mon dossier, cette fois-ci. donc, j'ai fait... En fait, pour ce projet-là, j'ai eu... Enfin, c'était très clair dans la tête qu'est-ce que j'ai envie de faire. Il y avait 3 histoires en parallèle. Pour moi aussi, c'est un exercice que j'ai bien aimé dans la fiction. Il y a des histoires en parallèle. Donc, j'ai envie d'apprendre comment on réalise ça. Donc j'ai décidé de faire ce film avec cette structure-là. Et puis. donc, ça s'est fait fois l'image. Ils t'ont contacté après, en fait, Annecy. Ouais, c'est ça, en te disant. Tu n'as pas envoyé le dossier. Je dis, bon, j'avais pas de confiance que ça sera pris. Donc, en fait, le film était un artiste en résidence en 2010 avec un autre film. Donc, chaque année, il prend deux. Et là, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai chance, j'ai pas eu vraiment le temps d'attendre le budget qui arrive. Avec un budget de 6 minutes au départ, on était assez confortable. On continuera après. Et là, au niveau du scénario, au niveau de l'écriture, est-ce que ça a été compliqué? C'était pas très compliqué. J'avais l'histoire dans la tête, donc je sais exactement ce que j'ai envie de faire. Et là, encore une fois, le producteur, il m'avait vraiment respecté à Folimage. C'était Pascal. Quand il était encore à Folimage, et maintenant il a créé sa propre studio Folioscope. Donc lui, il respecte beaucoup, avec moi, il me respecte beaucoup. En fait, c'est une négociation, on a eu Arte aussi, pardon, j'ai oublié. Et avec Hélène Vessière. Pascal, on avait demandé de changer certaines choses. C'est toujours une négociation avec le producteur et le chaîne diffuseur. Je pense que je dois changer certains de détails pour les choses avancent, mais pour la fin du film, une fin tragique. Et là, je tiens vraiment le scénario et la structure. Je dis que soit on fait ce film avec cette fin, soit je ne le ferai pas. Francis Gavel, qui était juste avant, qui était... Donc de critique, on parlait de critique, lui parlait de ton film et disait ce que j'aime beaucoup dans Le Banquet de la Concubine, c'est qu'en fait en 15 minutes, elle arrive à nous mettre complètement dans la cité interdite et dans ce que pouvait être cette complexité d'être dans un lieu fermé, là où quelqu'un comme Jean Guimaud par exemple aujourd'hui a besoin d'énormément d'effets spéciaux, enfin quand il fait Hero ou même la cité interdite. D'un seul coup, voilà, il est obligé aussi de beaucoup expliquer. On a l'impression que tu ne veux pas rentrer dans des détails par rapport à l'empereur, la concubine. Enfin, c'est plus aussi une tranche de vie, quelque part, d'un moment de cette cité interdite. Ça fait plaisir qu'il a rentré dans le film. Moi, je suis très positive. J'ai entendu aussi plein de gens qui avaient du mal parce que, en fait, c'est peut-être graphique très frontal, très, très plat et c'est très décoratif. Je comprends qu'il y a certaines personnes en plus avec un contexte très asiatique, asiatique et culturel de l'époque. Et les personnages sont. Enfin, pour moi, c'est pas évident. Enfin, je le connais par cœur, mais en fait, avec un public occidental, c'est dur de savoir à quel point j'explique des choses, mais pas trop, mais suffisant pour qu'on puisse suivre l'histoire. Vraiment, tout du long du film, je me pose la question. Je peux pas répondre à cette question à ma position. Et du coup, je pose tout le temps la question pour des animateurs ou des gens. Est-ce que vous comprenez? J'essaie de mettre quand même le moins possible après de tester est-ce qu'on comprend ou pas. Enfin, le résultat qui fait que je trouve que c'est encore un peu explicatif dans le dialogue. J'aurais enlevé plus de infos, mais. Oui, mais là, c'est aussi les producteurs et les diffuseurs qui t'ont dit écoute, on ne connaît pas forcément ce moment-là de l'histoire de la Chine, on ne connaît pas, il faut que les gens quand même soient plus guidés quelque part. Oui, je trouve qu'il y a encore trop de paroles dans ce film. J'aurais mettre encore un peu moins. Mais après, c'est encore parce que le conseil que j'ai eu, c'est difficile vraiment de saisir vraiment qui... Enfin, de toute façon, je peux saisir qu'une partie de spectacle. Donc, je me suis dit, enfin, je vais être gentille, il faut que les gens y comprennent. Plus que comprendre, moi, ce que je trouve étonnant dans le film, c'est que les personnages sont très rapidement compréhensibles. C'est-à-dire qu'on... On a de suite des personnages que on sait rien d'eux pourtant, et on les comprend très rapidement. C'est-à-dire qu'on comprend cette concubine, on comprend à la fois son angoisse, son désir, la peur. On comprend les autres concubines avant disent bah, « moi, j'aimerais bien devenir la énième ». Je ne sais pas, je trouve qu'il y a une vraie qualité de compréhension des personnages et des sentiments des personnages. Alors, c'est plus un avis qu'une question, tu me diras. Mais comment c'est se travailler? C'est travailler aussi, tu avais quelqu'un qui travaillait les dialogues, tu avais quelqu'un qui travaillait, je sais pas, vous avez beaucoup monté l'animatique. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de moments donnés où vous avez dit non, ça on va couper, ça on va reprendre, ça on va aller directement au niveau des sentiments des personnages? Sur le dialogue, c'est pas mon point fort. Comment dire ça? Le dialogue, c'est moi je l'ai mis en la place, hein, première version. Après, c'est Claire Bolti qui corrige mon français et puis encore plus mieux parler. Donc en fait, l'intention, c'est vraiment d'essayer de montrer plutôt le contexte de ce banquet, c'est-à-dire ce qui est derrière cette histoire, parce que je pense que ça sert à rien d'expliquer, hein, parce qu'en fait l'histoire, c'est une attente et c'est plus exprimer une sentiment qu'une histoire. Vraiment, vraiment, c'est plus en secondaire. Du coup, je pense que j'ai besoin vraiment de comprendre le contexte. Donc, j'essaie quand même, dans tout le dialogue, plus explicatif pour préparer, pour qu'on puisse comprendre les rôles, en fait. Les rôles plus facilement. Il y a une force aussi, c'est que souvent, surtout en animation, le film est très coloré. Il y a énormément de... Et pourtant, on a toujours tendance à dire... Et elle est enfermée. Elle est dans ce lieu où finalement, on est, comme tu dis, dans l'attente. Le film est intéressant parce qu'il y a plein de plans aussi un peu larges où on va voir tous les personnages qui sont autour d'elle. Et on sent bien cette attente avec justement des plans qui sont peut-être un peu plus longs aussi ou ces gros plans d'un seul coup sur elle. Comment ça travaille la mise en scène? Comment tu as travaillé ça au niveau de l'animatique même directement? Je me souviens plus trop. C'était si loin que ça. c'est vrai, c'est l'attente. Donc, j'essaie d'imaginer si on attend quelqu'un. C'est un peu pénible d'attendre quelqu'un. Et on voit le temps qui passe. Donc, j'essaie de représenter un temps, un ressentiment d'attente dans ce film-là. C'est toujours difficile de... Parce qu'aujourd'hui, on a plein de films rapides, tout ça. En plus, avec... je sais pas toujours les fautes de producteurs, mais c'est vrai qu'ils sont derrière toujours de dire que... Est-ce que c'est pas trop long? Par exemple, pour la fin, je trouve que c'est un peu trop court, la coupure, quand elle a dit... Enfin, je sais pas si vous avez vu le film, déjà. C'est en compétition hier, faut y aller, hein, c'est... Bon. Pour la fin, hein, quand elle a dénoncé sa punition, et je trouve là, j'avais laissé vraiment beaucoup de temps parce que en fait je voulais presque à ce moment-là, j'imagine quand on voit ce film, quand elle a envie de tuer quelqu'un, j'ai envie de savoir dans la salle de... Enfin, pas les gens disent ouf, mais de ressentir cette respiration. Mais finalement, le producteur, il m'a dit c'est peut-être trop long. En fait, avec troisième fois, quand il m'a dit c'est trop long, finalement, je me suis dit ah, c'est peut-être trop long parce que moi, je suis peut-être trop dedans. Finalement, c'est coupé. Mais là, j'ai un peu regretté que c'est j'ai maintenant une sensation trop courte. Ça fait... Comme on dit, on va en parler. Il y a un long métrage donc. Cette sensation de pouvoir, tu vas pouvoir rapidement l'assouvir. Y a un changement en effet graphique par rapport aux deux autres films. Il y a un changement au niveau de la couleur. Il y a d'un seul coup, on est. Ça, c'est une volonté dès la base du scénario, d'avoir quelque chose de différent des deux précédents films. Ce film, graphiquement, je suis assez inspirée par des peintures traditionnelles chinoises et sans japonais. Estampes japonais. Les formats sont souvent allongés, que ce soit vertical ou horizontal. Donc j'ai trouvé un scope comme format. Ça doit être le meilleur format adapté pour ce sujet-là. Du coup, les mises en scène sont à plat, donc j'ai peu de profondeur. Du coup, j'utilise vraiment la largeur pour saisir maximum des infos. Il y a peu de mouvement de caméra, donc. Qu'on reste dans le même cadrage, donc je fais très attention le mise en page pour guider le regard. Et j'aime bien ce côté bien profiter de l'écran. Du coup, ça fait du bien de voir un film qui prend plein d'écran, plein d'espace. Hein. Puis on se balade un peu dans l'écran avec des détails de décor, tout ça. Il y avait une autre chose. Après, non, graphiquement, bah, je voulais parce que... Oui, par rapport à la couleur, voilà. Le changement de... Ouais. Couleur, c'était... Je voulais tester, en tout cas. Je suis pas très... Enfin, dans les films, je suis pas très colorisée. J'ai plus un style dans un ton, une cohérence. C'est là j'ai fait un test, mais ouf, ça fait mal aux yeux. En fabriquant, j'ai compté pendant étalonnage pour changer un peu, mais enfin, je sais pas pourquoi ça arrivait jusqu'à là. Sinon, moi, j'ai pas un graphique personnel, donc j'essaye de vraiment trouver un graphique. Quand tu as montré trois films, j'essaye de trouver trois, enfin, chaque fois le style qui correspond mieux le style et le sujet. Voilà. Et il y a cette scène en plein milieu, qui est donc la scène plutôt érotique. On va pas la regarder, on va parler parce qu'on va pas avoir le temps, je suis désolé de regarder ça. Ça, c'est une scène, je sais que Yana Gauthier qui est dans la salle. Qui est juste on parlera d'elle un autre jour, on en parlera un petit peu. Il y a cette idée aussi d'échange avec d'autres personnes et dire, ben voilà, qu'est-ce que tu peux m'apporter, qu'est-ce qui peut, comment, dans cette scène particulière, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut apporter autre chose, on va dire, à ton travail? On a le temps, je continue un peu. Juste rapidement. Moi, j'adore travailler en équipe parce que là, il y a vraiment un échange de... C'est-à-dire des capacités d'un autre personnage, de quelqu'un d'autre qui amène dans le film, qui fait des surprises, en fait. Moi, dans mon projet, tout est prévu. Du coup, en travaillant avec des autres gens, ça me fait une genre de surprise. Donc, grâce à Vaiana, elle amène un autre... énergie dans le film, donc en fait j'ai une idée précise, donc je sais que, enfin j'essaie de exprimer ce côté excitation dans mon sens de comprendre ça. J'ai demandé à Vaiana, je veux des choses qui se tendent, qui tournent, qui tirent à la même temps, qui, en fait c'est ça, c'est un peu abstrait. Du coup c'est plus Vaiana qui a mise en image cette sensation visuelle. Donc je trouvais que c'était vraiment super. Et puis c'est génial de travailler avec quelqu'un quand même. Je vous conseille donc de revenir, pour ceux qui ne connaissent pas, de venir. On passera à d'autres films de Vaiana aussi pour parler un petit peu de son travail. Alors Nicolas, c'est intéressant parce que toi, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que là où il y a l'ONF, Folimage, Arte, il y a un gros dispositif du côté des FANG. Toi, est-ce que c'est pour trouver la liberté, comme tu disais, l'innocence que tu as perdue, que tu te retournes vers du crowdfunding et de faire appel finalement à de l'argent sur Internet? Et non, en fait, non, c'est purement circonstanciel. C'est que, en fait, j'avais travaillé pendant 2 ans à mi-temps à préparer les projets. Et d'ailleurs, pareil que pour F1, astigmatiquement, c'était un des trucs que j'ai proposé pour finir de fin d'études aussi, à la Poudrière. Après, finalement, j'ai pleuré, il n'avait plus de sens dans le contexte de l'école. Mais c'est vrai que c'est un film qui date aussi du début de la Poudrière. C'est vraiment exact, c'est exactement le même concept, 100%. Donc après, je me suis retrouvé, en sortant de l'école, j'avais envie de développer ce projet. Et j'ai passé, voilà, 2 ans... petit à préparer tout ça. Et disons, les moments où je me suis retrouvé avec les projets, où j'étais content avec ce que j'avais, et j'avais développé ça vraiment naïvement, dans le sens que je ne savais pas comment j'allais fabriquer. En fait, je me suis dit, faudrait d'abord avoir un bon projet, et après, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais l'important, c'est d'avoir un bon projet de départ. Donc, je me suis concentré à ça. Et je me suis retrouvé dans une impasse, en fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Je voulais vraiment les faire en Espagne. Et donc, en Espagne, j'ai fait des recherches par rapport à comment se finance des films en Espagne, quel choix il y a. Et ce que j'ai trouvé au résultat de la recherche, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, je me suis un peu mis un obstacle de plus, c'est que j'avais déjà décidé avec qui je voulais travailler. J'avais déjà décidé toute l'équipe, parce que c'était impératif pour moi de travailler avec ces gens. Et donc, évidemment, pareil qu'en France, en Espagne, les aides, les subventions sont réparties par des régions, donc il faut répartir les productions par des régions. Donc moi, ma production est déjà répartie par toute l'Europe. Donc c'est super compliqué du coup de financer un film quand déjà toute l'équipe du film est déjà décidée à l'avance, parce qu'on ne peut pas se dire ah oui il y a une aide à Catalogne, mais est-ce que j'ai rien à faire à Catalogne, du coup je me suis retrouvé, c'est soit j'ai fait le dossier et j'attends et ça va prendre longtemps et ça va être difficile et je perdrai l'envie de faire le film, soit je trouve les moyens de le faire moi-même, et j'ai déjà investi tellement d'efforts que j'ai décidé de faire n'importe comment, en fait. L'important, c'était de finir. Et donc, n'importe comment, c'était d'aller sur Internet, de préparer, ouais. En fait, proposer une page, proposer à des gens, en fait, d'internautes, de payer pour que le film se fasse. Oui. Du coup, c'était aussi très, très, très innocent. Moi, je trouvais aussi, dans ces moments-là, que ça allait aussi bien avec l'esprit du film. C'était aussi partie du fait de faire dans le flou et un peu dans la perte des repères. Donc, je ne savais pas combien d'argent j'aurais. Et est-ce que ça va marcher sur Internet? Est-ce que j'aurai du soutien? Voilà. Et donc, c'était aussi la découverte de ça. C'était intéressant à essayer. C'était très dur aussi, mais... C'était assez intéressant. Donc oui, ça c'est la solution, ça c'est une solution possible, c'était la solution qui avait le plus de sens pour moi à ce moment, et ça a plus ou moins marché, c'est-à-dire ça a pas marché 100%, mais c'est sûr que ça a été une grande aide, et puis bon, oui. Est-ce qu'il y a besoin pour les gens qui peut-être auraient envie, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un réseau, à chaque fois j'oublie, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un réseau très très important pour ouais. faire ce genre de choses de manière dispatchée, et, parce que c'est sur une durée assez courte. Ouais, moi j'ai cassé les règles du crowdfunding, en fait, parce que j'ai, en lieu de passer sur un site de crowdfunding, j'ai monté mon propre site, ouais. Donc du coup j'ai fait un peu un mélange, en lieu de c'est juste ouais, c'est un projet, on met de l'argent pour que ça se fasse, c'est plus non, il y a un projet en développement déjà. Il est en train de se faire, et tu peux m'aider, mais tu m'aides en achetant les films de façon anticipée. Donc le film se fait quand même, tu peux l'acheter de façon anticipée et puis soutenir les travaux. Donc du coup, c'était fait sur toute la production du film, c'était pas juste en période courte, c'était d'ailleurs 6 mois de crowdfunding. Donc pas comme ils le font, je ne faisais pas constamment de la pub, etc., de la communication, mais voilà, donc c'était tendu sur 6 mois. Mais justement, pourquoi cette idée, c'est... Je veux l'arriver là, parce qu'en effet, tu fais toi-même ton ouais. site, tu demandes toi-même, parce qu'en effet, le problème du crowdfunding, en plus, c'est si tu ne récupères pas 100% de l'argent, oui, bah, l'argent ne te revient pas. Donc, pourquoi cette envie, finalement? Et moi, je me rappelle, dans les écoles d'animation, quoi, c'est vrai que le mot a pris son temps pour se développer, on oui. va dire, et pour justement donner un petit peu d'argent pour que le film oui. se fasse. Quoi. Ça t'a permis, finalement, de travailler sur cette durée-là. Oui, bah en fait, pourquoi pas, parce que en fait je me rends compte que c'était exactement la même chose que préparer un dossier. Tu prépares ton pitch, sauf que en lieu d'envoyer par courrier, je sais pas où, tu le mets en ligne, et en lieu d'être un petit comité qui décide, c'est beaucoup de monde. Mais en gros, finalement, tu peux investir énormément d'efforts. Mais si tu n'arrives pas au but, tu n'as rien. Donc, tu as gâché énormément de temps, énormément d'efforts. Et moi, je ne pouvais pas me permettre. D'ailleurs, parce que je n'étais pas confiant que j'allais arriver à un chiffre, tu vois, à monter. Et puis, et encore moins dans une petite période. Parce que je n'avais pas un public de gens qui suivent mon travail, etc. Donc, j'étais pas confiant que ça allait marcher. Et je me suis dit que voilà, la voie de les faire passer par mon propre site, comme ça je suis libre, je peux le tenir tout le temps que je veux, je peux changer les règles de trucs en cours, voilà, j'ai plus de liberté. Ça me permet aussi de dire, bon, et peut-être je n'aurai pas l'argent que j'attends, mais le soutien que je reçois, ça va aider. Et donc l'idée, c'est toujours, le film c'est fait quand même, c'est pas important combien d'argent je suis capable d'arriver à recevoir, le film c'est fait de toute façon. On a l'impression, pour passer au film, passer au film, qu'il y a une graduation dans les films. C'est toujours ludique, mais il y a ludique avec le premier film d'une minute, mais on est dans un cadre bien précis. Ensuite, on avance un petit peu plus avec le pluriel. Et là, on a l'impression qu'il y a vraiment le côté ludique avec la mise en scène, la réalisation, et d'amener le spectateur aussi dans cette idée ouais. ludique de la mise en scène. Comment ça a été travaillé? Bah, en fait, c'était travailler dans les procédés de travail. Pareil que projet pluriel, ça marchait très bien. Cette notion de je vais proposer un projet qui est intéressant à faire, plutôt que le résultat va être intéressant. Pour moi, c'était primordial. Ça va être une expérience intéressante de fabriquer le film. J'ai décidé de travailler de la même façon parce que ça marchait très bien pour moi, parce que ça aide beaucoup à tenir l'énergie. Et du coup, et l'enjeu pour moi, c'était faire un film où le spectateur est perdu dans presque toute la durée du film, mais il a plaisir à être perdu. Et du coup, pour arriver à que le spectateur soit perdu et que cette sensation soit authentique, je voulais moi-même être perdu en faisant les films. Et donc, je me suis imposé un jeu à moi-même et j'ai imposé un jeu aux gens qui travaillaient avec moi. Donc, tout c'était ludique le procédé de travail. Et donc, je pensais que ça allait être injecté dans les films aussi, ce jeu. Donc, en fait, le jeu consistait à que les quatre personnes que je collaborais, les designers de décors, designers de personnages, créateurs sonores, créateurs de musique, ils travaillaient de façon isolée. Ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec eux, ils n'avaient pas le droit de voir le travail des autres, ils ne connaissaient que les synopsis, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de storyboard. Et donc moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc je les ai donné carte blanche. Je n'ai pas demandé un nombre de personnages, je n'ai pas demandé un nombre de décors. Donc, je dis, voilà, faites ce que vous faites pour moi, mais voilà, vous n'avez pas le droit de savoir comment ça va marcher ensemble. Et donc, moi non plus, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient m'envoyer et qu'est-ce que sera le film. Donc, après, je me suis retrouvé, quand j'ai reçu toute cette pièce, je me suis retrouvé à improviser le film scène par scène en faisant des associations entre des sons, des personnages, etc. Donc, d'ailleurs, les sons étaient faits avant que le film, sans images. Donc du coup, j'ai demandé à Pierre une piste de 2 minutes d'effet sonore. Et donc j'allais mettre de l'image à ces effets sonores. Alors je vous conseille de regarder, il y a un making-of qui dure environ un quart d'heure en ligne, qui est vraiment très bien, donc je vous conseille de le regarder. Mais il y avait quand même une base, c'est-à-dire tu leur as quand même dit, ben voilà ce que je peux travailler. Oui, il y a les synopsis, c'est-à-dire ouais, l'enfant, le père de lunettes, il les cherche, voilà. Et puis le jeu visuel, ils étaient conscients de, voilà, l'enjeu du film, c'est la focale, elle est liée au son, et voilà, comme ça on voyage dans un paysage qui change constamment. Mais c'est tout ce qu'ils savaient. Ouais. Comme tu aimes bien casser les règles aussi, il y a quelque chose qui a été assez rapide, c'est que tu as mis Astigmatismo très rapidement en ligne. Oui. Il est en ligne, un petit peu à l'inverse de ce qui se fait. Oui. Un peu de rire d'ailleurs. tu vas vraiment à l'inverse en fait, absolument, de tout ce qu'on t'a dit, que tu fais. Et en fait, tu es en compétition. Oui. Là, au Festival d'Annecy. Voilà. Est-ce que tu as réfléchi avant en disant je vais pas le mettre en ligne de suite, je vais essayer de l'envoyer en festival? Ou alors non, tu t'es dit de toute façon je l'ai fait avec les pas. Non, je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Parce que moi je trouve ça assez égoïste par rapport au festival qui demande que les films ne soient pas en ligne. Parce que je trouve que ce n'est pas respectueux par rapport au travail des réalisateurs. Disons que les réalisateurs devraient être libres de faire quoi qu'ils veulent. Alors le festival, il vit grâce au travail des réalisateurs. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils exigent quelque chose alors que nous, on remplit les programmes. Quoi. C'est nous qui... Donc, moi, je trouve ça pas respectueux. Donc, j'ai décidé simplement, je ne vais pas envoyer au festival qui demande qu'il ne soit pas en ligne. Tant pis pour eux. En fait, si tu fais un peu de recherche, la majorité, ils s'en foutent qu'ils soient en ligne. Et puis... Il y a les acheteurs aussi, parce que les festivals, tu as raison, c'est une chose, mais est-ce que tu dis, je vais le proposer à Arte par la suite, Canal+, ou des choses comme ça? En fait, je m'en fous de la télé aussi. parce que la télé, c'est bien, oui, c'est un petit peu d'argent, mais en fait, ce n'est pas beaucoup d'argent. Et finalement, qui les regarde à 2h du matin, il n'y a personne qui regarde. C'est en ligne, voilà. En fait, les films étaient vus plus de 50 000 fois en ligne dans un mois. Donc, combien de festivals il faut pour qu'il y ait 50 000 personnes qui regardent les films? Les festivals, c'est des privilégiés. Moi, je ne veux pas faire des films pour des privilégiés, pour des minorités. Surtout quand c'est un film qui a été financé publiquement, je trouve que ce n'est pas respectueux par rapport aux gens qui ont mis de l'argent. Et en général, avec les publics, pourquoi tu vas punir les gens qui t'ont aidé et tu vas privilégier quelque peu? Je ne comprends pas. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de sens à garder les films... pas en ligne. D'ailleurs, sur les Oscars cette année, il y avait PES, avec. Il était là, je suis complètement sûr, juste parce que son film était devenu très populaire sur Internet. Et il a dû les mettre, les quitter pendant les prix, ce que je trouve c'est complètement ridicule, ça n'a pas de sens. Alors que c'est la première fois que tout le monde a regardé les films qui étaient aux Oscars. Ça bénéficie à qui de les quitter? Je ne comprends pas. Donc toi, il y a vraiment c'est important de montrer le plus possible et directement sur Internet, quoi. C'est vraiment oui. Important de... Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer comme ça ou est-ce que... Ouais. Là, tu as déjà des contacts avec des chaînes, enfin, alors même si tu n'aimes pas ça, ou des producteurs qui se disent « Ah, j'aime beaucoup Astigmatismo, est-ce que tu veux... » Non, j'ai des contacts avec des distributeurs, pas encore avec des chaînes. Je ne sais pas si ça va intéresser. Disons, ce n'était pas en priorité pour moi de réussir à vendre une chaîne. Comme je disais, après, si ça arrive, bah, c'est bien, mais ce n'est pas en priorité du tout. Et du coup, oui, il y a des distributeurs. Évidemment, en fait, ce que j'ai dit aux distributeurs, c'est que je n'ai pas envie de vendre les droits à Internet, je n'ai pas envie de vendre les droits à DVD. J'ai juste intéressé à vendre les droits à télé, si ça vous va. La majorité, ça ne les va pas. Et bien, tant pis pour eux. Comme quoi, cette liberté, elle n'est pas... Peut-être que cette naïveté, comme tu disais à un moment, tu la récupères, la liberté, tu la récupères dans ce sens-là, quoi, dans le sens de... Bah pour moi, c'est un investissement, c'est-à-dire c'est pas rentabiliser les films de façon immédiate, ça rentabilise aussi hein, que les films tournent, les gens les regardent, les gens écrivent à propos. Si on va au festival, bah souvent on va au festival, on a raté une séance, mais après on a un catalogue, on peut aller voir. Donc tu as raté Astigmatismo, tu peux aller les voir sur Internet, c'est sympa. Pareil, si tu l'as vu sur Internet, tu l'as plus, tu as envie d'avoir la séance pour les voir en grand. Donc, je vois pas où il y a. Pour moi, ça enrichit en fait. Donc, ouais. Alors, on va devoir terminer. Donc, il n'y aura pas forcément beaucoup de temps pour les questions pour les spectateurs. Mais le temps qu'on vide, vous pouvez peut-être discuter tranquillement un petit peu en bas. Et Franck, tu peux juste nous parler de deux secondes de cette. Folie, donc film d'une minute, film de 4 minutes, film de 15 minutes, c'est maintenant un long métrage. T'es au courant de tout. Rapidement, hein, c'est juste pas pour nous raconter, mais c'est une opportunité, c'est quelque chose qui t'est venu en tête et tu t'es dit, bah tiens, faut absolument que je passe maintenant à ce format-là. Tu parles de celle avec Folimage? Ouais. C'est secret? Non, on n'est rien signé. Hein. Donc, c'est juste c'est une coproduction entre l'image et un studio chinois à Pékin. Donc, ils voulaient faire un long métrage, on va dire international, donc, sur un sujet que j'ai adapté. Ouais. Adapté en conte chinois. Enfin, c'est juste plus simple pour un conte chinois pour public occidental. Je pense qu'ici on est plus ouverte, puis la Chine ils ont plus envie de se montrer sa propre culture, donc c'est du coup un équilibre.